Mais le temps se passait. À l'âge qu'avaient nos Bessons, les semaines sont comme des mois, et les mois comme des ans, pour les changements qu'ils amènent dans le corps et dans l'esprit. Bientôt Landry oublia son aventure, et, après s'être un peu tourmenté du souvenir de la fadette, n'y passant non plus que si la nuit fait le rêve. Il y avait environ déjà 10 mois que Landry était entré à la Priche, et on approchait de la Saint-Jean. Le père Caillot était si content de lui qu'il était bien décidé à lui augmenter son gage plutôt que de le voir partir. Et Landry ne demandait pas mieux que de rester dans le voisinage de sa famille et de renouveler avec les gens de la Priche, qui lui convenaient beaucoup. Mêmement, il se sentait venir une amitié pour une nièce du petit père Caillot, qui s'appelait Madelon, et qui était un beau bret de fille. La Madelon n'était point pauvre, et un mariage entre eux eût bien pu s'arranger par la suite du temps. Les deux familles étaient bien famées et tenues en estime par tout le pays, et ça pourrait bien faire un beau couple. Il fut donc convenu, 8 jours avant la Saint-Jean, que Landry resterait à la Priche et Sylvigny chez ses parents. La paix et le contentement étaient donc revenus à la Bessonnière, quoique les Bessons ne se fissent plus qu'une ou deux fois la semaine. La Saint-Jean, Landry dansa plus d'une bourrée avec la belle Madelon, et Sylvinet pour lui complaire et s'y danser aussi. Sylvinet ne sentait pas trop de jalousie contre Madelon, parce que Landry était sur la réserve avec elle. Et d'ailleurs, Madelon flattait et encourageait Sylvinet. Toutes choses allèrent donc pour le mieux pendant environ 3 mois, jusqu'au jour de la Sainte-Andoche, qui est la fête patronale du bourg de la Cosse, et qui tombe au dernier jour de septembre. Ce jour-là, qui était toujours pour les deux Bessons une grande et belle fête, parce qu'il y avait danse et jeux de toutes sortes sous les grands noyers de la paroisse, amena pour eux de nouvelles peines, auxquelles ils ne s'attendaient mis. Le père Caillot, ayant donné licence à Landry d'aller dès la veille coucher à la Bessonnière, afin de voir la fête si tôt le matin, Landry partit avant souper, bien content d'aller surprendre son Besson qui ne l'attendait que le lendemain. Quand il fut au droit du guet des roulettes, il fit bien attention à ne pas marcher devant lui, parce que le guet est établi en biaisant, et qu'à droite, comme à gauche, il y a de mauvais trous. Il faisait si noir sous les arbres que Landry tâta pourtant le guet avec son bâton avant d'y entrer. Il fut étonné de trouver plus d'eau que de coutume, d'autant plus qu'il entendait le bruit des écluses qu'on avait ouvertes depuis une bonne heure. Pourtant, comme il voyait bien la lumière de la croisée à la fadette, il se risqua. Mais, au bout de 2 pas, il avait de haut, plus haut que le genou, et il se retira, jugeant qu'il s'était trompé.